Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fagette dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique. Aujourd'hui, nous allons parler du marché de l'assurance. Alors une émission que vous allez donc suivre sur Radio Fagette. Alors bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, assurance vie, assurance dommage, assurance santé, assurance construction, le marché donc de l'assurance est très vaste et ce marché est confronté à de nombreuses mutations liées à son environnement avec par exemple la multiplication des catastrophes naturelles, la montée de la concurrence avec les compagnies d'assurance en ligne. C'est l'occasion donc justement de décrypter ces dernières tendances au cours de cette émission de l'Instant Éco. Et on va tenter d'être le plus clair possible avec notre invité, Frédéric Chevreux, qui est responsable développement départemental de la société Groupama. Eh bien, bonjour, monsieur Chevreux. Bonjour, monsieur Georgel. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons également formation avec la présence de monsieur Mand Fechtali, qui est professeur en BTS Assurance au lycée Georges de la Tour à Nancy. Alors, monsieur Chevreux, vous faites partie donc de la société Groupama, un des leaders du marché de l'assurance avec un chiffre d'affaires de près de 13 milliards d'euros en 2021. Alors, on va tout d'abord tenter de mieux vous connaître et nous expliquer tout d'abord dans quelles circonstances avez-vous été attiré par le monde de l'assurance. Eh bien, votre question est amusante car, comme Obélix, le point en moins peut-être, je dirais que je suis tombé dedans tout petit car mon père était lui-même assureur. Et puis j'ai eu droit à chaque repas le soir en famille à ce qu'il avait vécu dans sa journée de bureau, à ses aventures. Ce qui fait qu'à l'âge de 10 ans, je savais déjà ce qu'était une convention IDA, que l'article L124.1 du Code des assurances oblige tout responsable d'un dommage causé à autrui réparation du dit dommage, que le bonus, par exemple, est un coefficient de réduction. Tous ces éléments, je les avais tous les soirs. C'est ainsi que tout naturellement, à la sortie des études, j'ai commencé à chercher du travail, je rejoins une compagnie d'assurance, une mutuelle comme papa, pas la même, mais c'est comme une mutuelle comme papa, donc sur un autre secteur d'activité. Vous avez maintenu la tradition. Exactement. Alors, quelle est aujourd'hui votre fonction au sein de la société Groupama? Je suis donc responsable commercial du département de la Meurthe-et-Moselle. Mon métier en fait est assez simple, j'ai un portefeuille de 37 millions d'euros au 1er janvier, je dois faire en sorte qu'il soit à 38 millions au 31 décembre. Voilà, toujours la croissance. Exactement. Alors avant d'aborder les enjeux actuels auxquels est confronté donc le marché de l'assurance, pouvez-vous évoquer votre plus beau souvenir professionnel, mais aussi vous nous évoquez également le réel souci professionnel que vous avez pu rencontrer? Alors on se souvient plus souvent des bons moments que des mauvais, mais effectivement il y a eu des deux. Je dirais que mon plus beau souvenir professionnel, c'est quand, après avoir insisté sur la mise en place d'une garantie d'essai chez un client qui au départ n'en voulait pas, lorsque ce monsieur est décédé, sa veuve est venue me remercier, car grâce à ce capital, elle n'a eu aucun souci financier et ça a pu lui permettre plus facilement de gérer cette situation. Un autre cas également, un bon souvenir professionnel, c'est lorsque j'ai fait placer de l'argent à un client sur un support hors droit de succession, là où mes concurrents avaient proposé des supports bancaires qui entrent dans les frais de succession. Suite au décès, les sœurs du défunt ont voulu passer uniquement par moi car j'avais donné le bon conseil au bon moment. Allez, encore une petite anecdote, c'est lorsque j'ai eu la jeune conjointe d'un client qui avait beaucoup d'assurance vie chez nous, cette jeune personne est venue me voir pour me demander une avance sur le versement des fonds. Quand je lui expliquais que le certificat de décès était nécessaire, elle m'a dit qu'il n'était pas encore mort, le client, mais que comme cela n'allait pas tarder, autant qu'on paye tout de suite. Donc je lui expliquais que non, ça ne passait pas tout à fait comme ça. Ah mais c'est original. Hein. Effectivement. Un moment un peu plus difficile pour les assureurs et pour Groupama en particulier, notre entreprise avait prêté de l'argent à un moment donné à l'État grec. L'État grec s'est retrouvé en faillite et n'a pas honoré toutes ses dettes, ce qui nous a mis dans une situation très compliquée. L'intérêt par contre après sur cette période compliquée, ça a permis à l'entreprise de réagir, de changer nos habitudes et de devenir encore meilleur. Très bien. Alors donc le champ de couverture de l'assurance est assez vaste. Alors pouvez-vous nous préciser quels sont les risques que votre société Groupama couvrait? Tous. Enfin, presque. Bien évidemment, on couvre les risques de base, hein, que sont l'assurance automobile, l'assurance habitation, les assurances de personnes, telles que la complémentaire frais de soins, les assurances en cas de décès, d'invalidité, d'arrêt de travail également, mais également de dépendance. Et puis, bien évidemment, on est présent sur les assurances professionnelles, donc tant au niveau des responsabilités civiles que couvrir les dommages, les garanties obligatoires que sont la responsabilité civile automobile, l'assurance construction, la garantie décennale, l'assurance H ou l'assurance locataire. Alors avec tous ces risques, ça suppose que vous ayez dans vos équipes beaucoup de compétences. Effectivement, on fait régulièrement des piqûres de rappel, des sessions de formation, car le cadre législatif évolue et si on veut donner le bon conseil au bon client au bon moment, eh bien, il nous faut maîtriser tous ces éléments-là. Alors, tout à fait. L'une de vos clientèles privilégiées, c'est le monde agricole. Hein. Alors, face à la montée des risques climatiques, a été engagée donc une réforme de la gestion des risques climatiques. Alors, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors, effectivement, c'est le gros sujet d'actualité. C'est un sujet qui est en pleine évolution, qui évoluera encore en 2023. Alors, pour la partie agricole, le dérèglement climatique nous avait amené, il y a à peu près 8 ans de ça, à proposer à nos sociétaires, exploitants agricoles, en complément de l'assurance grêle sur récolte que l'on fait déjà depuis plus de 110 ans, eh bien une assurance sur 13 aléas climatiques, que sont le gel, l'excès de chaleur, la sécheresse, l'excès d'eau, etc. Avec un système de franchise, mais également un système de subvention sur une partie des cotisations. Le problème, c'est que ce risque n'a jamais été équilibré. Pire que ça, aujourd'hui, pour 1 euro encaissé, on en paye 2. Et ça, tous les ans. D'où la sollicitation des pouvoirs publics pour permettre de couvrir 17 aléas climatiques. On en a rajouté par rapport aux 13 du début. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec une franchise à 20%, une intervention d'un fonds pour les dommages supérieurs à 50%, et les assureurs couvriront la partie entre les deux. Alors, si j'ai bien compris, donc, l'assuré donc, supporte 20% du coût des dommages, c'est ça ? Tout à fait. Sur cette partie, donc, aléas climatiques liés aux exploitants agricoles. Donc, vous, en tant que compagnie, vous allez assurer 30%. Tout à fait. Hein ? Et il y a un fonds donc, qui est, donc, prend en charge 50%. Alors, ce fonds, d'où viennent ces ressources ? Alors, sur les cotisations d'assurance, on a déjà prélevé une taxe qui s'appelle la taxe calamité agricole, qui était aujourd'hui de 5,5%, qui va passer à plus de 11%. Et puis, l'État a débloqué une enveloppe supplémentaire qui va permettre de couvrir cette partie. En sachant que sur cette partie-là, il y aura quand même que 90% qui seront couverts. Donc, il restera quand même une partie à charge au niveau des exploitants agricoles. Est-ce que vous avez des idées au niveau du pourcentage de votre clientèle, le monde agricole, ça représente quel pourcentage ? Alors, aujourd'hui, notre portefeuille nous représente 30%. Hein, 30% du portefeuille, on a 50% de clientèle particulier. Mmh. Dans les particuliers, je mets tous les salariés et puis nos clients retraités. Et puis, il nous reste à peu près 20% sur la cible des artisans, commerçants et entreprises. Très bien. Alors, on voit apparaître dans les médias, sur les réseaux sociaux, des informations sur donc, de nombreux sinistres qu'on a connus, notamment depuis cet été, incendies, tempêtes, sécheresses, grêles, d'une ampleur un peu commune due au dérèglement climatique. Alors, que vont faire les assurances face à de tels dégâts ? Pour l'instant, elles se grattent la tête. Elles se grattent la tête pour déterminer quelles augmentations tarifaires elles vont devoir mettre en place. Effectivement, les résultats techniques sur l'année 2022 seront très dégradés. On va aller sur des hausses de tarifs supérieures à celles qu'on a connues sur les années précédentes. Le premier élément est que l'augmentation des indices qui régissent nos contrats. Un exemple tout bête, c'est que l'indice de la Fédération française du bâtiment a déjà pris à ce jour une augmentation de 9,88% au deuxième trimestre 2022. Le deuxième élément, c'est que l'augmentation du coût moyen de sinistre a évolué. Par exemple, on a eu des grêles sur véhicules où le véhicule s'est retrouvé complètement détruit du fait de la taille des grelons. On avait des balles de ping-pong, on a aujourd'hui des boules de billard qui tombent sur le véhicule. Et puis le troisième élément expliquant les augmentations tarifaires, eh bien, c'est l'explosion du coût des matières premières ainsi que les difficultés d'approvisionnement liées à la situation internationale que l'on peut connaître aujourd'hui. Il n'y a pas de bonnes nouvelles donc, de ce côté-là. Malheureusement, non. Voilà. Alors, à côté donc, de la couverture des risques, vous avez aussi un volet assurance et notamment assurance vie. Alors, est-ce que l'assurance vie aujourd'hui est un bon placement face à l'envolée de l'inflation ? On le rappelle, hein, une inflation qui ne fait que progresser et qui va atteindre certainement peut-être 7-8% d'ici quelques mois. Alors bien sûr, c'est toujours un bon placement l'assurance vie, déjà parce que le cadre législatif n'a pas évolué pour l'instant. On est toujours sur une exonération des droits de succession, sur des taux minimums garantis sur ce type de support. Pour autant, par rapport à votre question, effectivement, sur l'idée d'une inflation forte, eh bien, il faut aller aujourd'hui sur des supports qui sont plus diversifiés, qui sont plus modernes, qui vont permettre d'aller chercher des rentabilités supérieures. Il est certain que la situation économique de ces derniers temps a fait que certains indices ont pu baisser, et comme on le dit souvent, c'est au son du canon qu'il faut acheter. Donc s'il y a un moment donné où il faut plutôt investir, ce serait plutôt en ce moment. L'idée, c'est surtout d'aller sur des moyens, des actifs corrélés à l'inflation sur le moyen long terme. L'immobilier, par exemple, est un bon support aujourd'hui d'investissement. Dans tous les cas, surtout nos clients qui ont pu mettre en place des supports en fonds euros qui étaient dans les années 90-2000 la mode, il est certain que les situations sont à revoir. Ne pas rester sur ce type de support et plutôt évoluer et les faire changer. Alors, on a l'habitude donc à Radio Fadjet et à l'Instant Écho de faire donc des pauses musicales et on va demander effectivement à notre invité ses coups de cœur musicaux. Donc après cette première pause musicale, on va reparler concurrence et puis formation en assurance. Alors Monsieur Chevreux, quel est votre premier coup de cœur ? Alors c'est Gallows Pole de Jimmy Page. Pourquoi ce choix ? Alors parce que Jimmy Page est un auteur connu et j'ai découvert cette chanson il n'y a pas longtemps qui m'a surpris par son rythme, par sa sonorité. Eh bien, écoutons votre premier coup de cœur musical. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my friends coming right in a mile. So friends, you get some silver, you get a little coke. What did you bring me, my dear friend? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know you're too damn poor. Gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother come right in many miles. Will you get some silver to get a little gold? What did you bring me, my brother, and a key from the gallows pole? Now, brother, I bought you some silver. I bought a little gold. I bought a little of everything to keep from the gallows pole. Yes, I bought you to keep you from the gallows pole. Hangman, hangman, turn your head wide. See my sister come right in the name. Voilà, c'était le premier coup de cœur de notre invité Frédéric Chevreux. C'était Jimmy Page, Gallows Pole. Alors vous êtes bien en effet sur Radio Fadjet, vous écoutez l'Instant Écho dont l'ambition est de vous rendre sympathique l'économique, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors dans la première partie de l'émission, on a parlé du marché de l'assurance, des nouveaux enjeux liés à la montée des risques et maintenant avec Monsieur Chevreux, donc qui est responsable développement départemental de la société Groupama, nous allons parler donc tout d'abord de la concurrence, de la montée de la concurrence. En effet, depuis quelques années, donc on assiste effectivement à cette montée donc de la concurrence et notamment de la montée de ce qu'on appelle des néo-assurances, c'est-à-dire des agences entièrement digitales, 100% donc en ligne. Alors leur principal atout, meilleur rapport qualité-prix, notamment dans la logique actuelle de la lutte pour défendre le pouvoir d'achat. Alors comment doivent réagir les compagnies d'assurance traditionnelles ayant pignon sur rue ? Effectivement, le constat est qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à être équipés d'Internet. À ce titre, le premier contact avec un assureur se fait par une demande de devis sur Internet, par l'utilisation du digital sur son portable, par l'utilisation d'applications. Une assurance digitale a compétence à répondre à ce besoin. Pour autant, l'assurance est plus vaste que simplement mettre en contact, que mettre un contrat en place. Il faut être capable de mettre la bonne garantie au client, la garantie adaptée à son risque. Il faut être capable d'expliquer une garantie au client. Il faut être capable de répondre à la question d'un client. Il faut être capable de refuser la prise en charge d'un sinistre quand il n'est pas garanti ou d'être présent quand il y a un risque d'erreur dans la gestion du dossier. Les compagnies d'assurance, ayant pignon sur rue ont, elles, ces capacités. Donc rien ne remplace le contact humain. Oui, tout à fait, Monsieur Chevreux. Dans un autre domaine, dans le domaine bancaire, on a vu récemment les déboires rencontrés par la banque ING à la banque en ligne et qui montrent qu'il est préférable d'avoir un contact physique lorsqu'on a des soucis. Voilà, tous les dossiers, on va dire que 99% de dossiers, ça se passe bien. Le dossier où il y a le grain de sable ou le 1%, eh bien, un interlocuteur physique permet de solutionner beaucoup plus facilement que des simples échanges par mail. Alors justement, pour renforcer votre contact avec la clientèle, vous avez donc ouvert récemment une nouvelle présence en ville, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, nous avons maintenant une agence Place du Marché à Nancy, dans la rue qui descend au McDo de la rue Saint-Dizier. Et cette nouvelle agence permet de montrer qu'il y a toujours quelqu'un pour recevoir nos clients d'aujourd'hui, mais également ceux de demain. Et puis stratégiquement, je crois que vous êtes quand même très bien placé géographiquement. Effectivement. Alors, comment vous tentez de fidéliser cette clientèle ? Alors, l'idée déjà dans un premier temps, c'est d'avoir un contact à minimum une fois par an avec nos clients. Nous avons pris l'engagement de contacter tous nos clients une fois par an pour faire avec eux un point sur leur dossier et leur demander s'ils ont des questions. Mais en plus de cela, nous mettons en place un ensemble d'opérations de fidélisation sur les clients fidèles. Eh bien, ça va sur des réductions de franchise, ça va être sur des cadeaux de bonus, ça va être sur tout un ensemble d'opérations qui vont permettre de fidéliser nos clients et de récompenser le bon client. Alors, on va parler maintenant un petit peu recrutement, parce que là aussi, pour assurer donc toutes ces différentes fonctions, vous avez besoin donc effectivement de recruter donc du personnel. Et actuellement, il y a un contexte de difficulté pour recruter. Alors, quel est aujourd'hui donc votre besoin en personnel ? Alors, j'encadre une équipe qui n'est que des commerciaux. Aujourd'hui, nous sommes 48 sur le département et on a des besoins supplémentaires parce que les portefeuilles ont grossi. Et dans l'idée de ce que je vous évoquais sur ce suivi client, cette prestation de qualité qu'on doit donner à nos clients, bien évidemment, il nous faut du monde. Donc, on essaye de travailler sur le recrutement. On a un système de formation qui, j'ai envie de dire, est le meilleur de France, voire de Navarre, qui nous permet, lorsque l'on embauche quelqu'un, de lui dispenser jusqu'à 6 mois de formation, de manière à être vraiment opérationnel quand il prend son poste, de manière à vraiment connaître ses contrats, ses produits, pour pouvoir donner le bon conseil aux clients. Le recrutement se fait à Groupama plutôt sur des jeunes sortis d'école, dans la mesure où il y a cette formation assez importante, mais on ne s'arrête pas là, puisqu'on propose aussi à des gens plus expérimentés de rejoindre notre compagnie. Alors très bien, donc pour avoir de bons professionnels, rien de tel qu'une formation alliant donc théorie et pratique. Et on accueille également donc dans les studios de Fadjet, donc Mohand Fechtali, qui est professeur au lycée Georges Latour en BTS Assurance. On le retrouve donc dans quelques instants. Alors, Monsieur Fechtali, bonjour. Vous enseignez donc en BTS, donc assurance, donc au lycée Georges de la Tour. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre formation ? Tout d'abord, si vous me permettez, je vais commencer par les objectifs de la formation. En fait, c'est une formation qui est la seule dans la région en public, donc qui est axée énormément sur les compétences qui vont déboucher sur un métier. Donc, le métier de commercial, de technique, de gestionnaire, en souscription et de règlement de sinistre. Nos étudiants, à l'issue de ça, ils peuvent travailler à la fois en compagnie, en mutuelle, dans les banques, dans les agences ou dans les cabinets de courtage, et auprès des services des grandes entreprises, dans le service assurance. Alors, quel est le profil de vos candidats qui postulent à ce BTS ? En fait, quand on regarde sur Parcoursup, par rapport aux vœux, on a tous les bacheliers, en fait. On a pratiquement tous les bacheliers. Donc, on a une majorité de filières techniques, donc ce qu'on appelle des STMG. On a aussi des bacs généraux, dominante S, à l'époque S. On a aussi des bacs pro, très très peu, parce qu'ils décrochent très très vite. Et on a aussi des étudiants qui viennent après un échec à l'université, à la fac, c'est-à-dire après 2 années d'échec. Donc ils viennent nous voir et en fait, c'est ceux qui résistent le plus à la formation. Mmh. Et alors, donc, c'est des promotions de combien d'étudiants ? On commence toujours à 34. Donc on a 34 en première année. Et sur Parcoursup, vous avez Quel est le nombre de candidats qui postulent à peu près? On en a à peu près, alors si on compare par rapport à l'année dernière, on était à 1400 à peu près pour 34 places. Donc c'est assez sélectif. Oui, très sélectif parce qu'on regarde les notes, les appréciations, les commentaires et on essaye de voir un peu la motivation de chaque étudiant. Alors au-delà des enseignements, donc à la fois sur la partie théorique, vous proposez également une formation pratique. Alors sous quelle forme? Alors la formation pratique, déjà au niveau des stages, on est une des rares formations à avoir 16 semaines de stage. 16 semaines, ce qui est énorme. Ce qui fait qu'on a 8 semaines en première année et 8 semaines pour simplifier en deuxième année, soit dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, que ce soit dans le domaine bancaire ou dans le domaine assurantiel. Et on a également, pendant la formation, on a énormément de simulations et d'entretiens de gestion de contrat, c'est-à-dire du face-à-face, de l'oral, donc des jeux de rôle par rapport à l'approche d'un client, par rapport à une gestion de sinistre. Donc, c'est des formations très pratiques, axées énormément sur la gestion des contrats. Alors, au-delà de la formation, est-ce que vous constatez, vous qui exercez donc depuis plusieurs années, un changement de perspective vis-à-vis du travail chez vos étudiants qui font partie de ce qu'on appelle la génération Z? Ben, on le voit de plus en plus parce que c'est une population qu'on va qualifier de génération Z qui est assez consommatrice de téléphones, de réseaux sociaux. Donc, dès qu'on a des documents papier, des contrats qui sont surtout sous format papier, déjà l'approche, elle est plus difficile pour eux. Et ils ont une vision à court terme, en fait. Une gestion sinistre, ça peut prendre du temps. Et eux, ils ont une vision qu'à court terme, ils veulent que ça soit rapide. Donc, c'est ce phénomène-là qui fait que des fois, ça cale pas en termes de motivation. Donc, c'est un travail très sélectif, en fait. Là, donc, on le voit très bien. En tout cas, ils ont 2 ans pour pouvoir acquérir donc ces compétences qu'exigent effectivement les assureurs. Alors, Monsieur Fechtali, vous pouvez rappeler donc le lieu de votre formation? Donc, nos enseignants, l'enseignement en BTS Assurance se fait au lycée Georges de la Tour à Nancy, rue de la Croix-Saint-Claude. Eh bien, merci pour ces précisions concernant donc le BTS Assurance. Merci, Monsieur Fechtali. Merci de votre accueil. Bonne fin de journée. Alors, Monsieur Chevreux, alors que pensez-vous donc de ce lien plus étroit entre le milieu professionnel et l'éducation donc nationale? Alors, c'est important pour nous de pouvoir participer de temps en temps à des réunions avec justement des étudiants pour leur parler de notre métier. Alors, c'est un métier effectivement qui nous anime quand on parle d'assurance. L'intérêt de mon métier aujourd'hui, c'est que il n'y a pas une journée où en rentrant le soir, je ne sais pas quelque chose que je ne savais pas le matin. On apprend tous les jours, ce qui nous permet d'être toujours alerte. Et donc l'idée effectivement de parler de notre métier à des étudiants, eh bien leur permet de montrer le monde du travail, ses avantages, ses inconvénients, parce que le monde du travail n'est pas toujours facile. Le métier d'assureur n'est pas facile. On parle de décès, d'accidents, de morts. Pour autant, donner envie à nos jeunes en leur expliquant le métier, je pense que ça, c'est très important. Et l'accompagnement, on a également un point supplémentaire à Groupama, c'est qu'on travaille régulièrement sur le département avec 4 contrats de qualification par secteur. J'ai 4 secteurs entre le nord et le sud. Et l'idée de ces contrats de qualification, c'est de pouvoir travailler avec l'étudiant sur une période d'un an ou 2 ans en fonction des formations, de manière à ce qu'il puisse voir où est-ce qu'il en est, si l'entreprise lui convient et si le profil nous convient également. Oui, on assiste justement à une explosion donc de l'apprentissage. Et ça marche très bien, franchement, les résultats sont très positifs. C'est un bon moyen de mettre donc le pied à l'étrier. Tout à fait. Et puis même de tester les candidats. Exactement. Très bien. Allez, on passe maintenant à notre deuxième coup de cœur musical, Monsieur Chevreux. Alors, votre choix? Alors, le deuxième coup de cœur, c'est Elliot Murphy sur What the Fuck is Going On. Alors, vous êtes un passionné donc de musique country, c'est ça? Oh, country, rock, enfin tout ce qui bouge bien. Eh bien, on écoute tout de suite votre deuxième coup de cœur. My mama. money goes. And a millionaire, you think they care? Well, then you believe in Santa Claus, Easter Bunny, and the checks in the bag. There's something wrong here, and I don't know what. But I got a feeling down deep in my gut, there's one big Ponzi scheme all over the world. They're giving us quants, say we should be proud to be part of a system that will always allow you to succeed if you work very hard. But I don't believe it, 'cause they're holding all the cards. And who are they? I don't even know. Is that really your neighbor on a reality show? Well, my reality looks nothing like that. I'm not choosing sides, not the left or the right. I'm so sick of politicians and the way that they fight. They must think that we're stupid. Well, maybe we are. But maybe we're good down deep in our soul. The way we take care of the sick and the old. I see the future in my children's eyes, but I walk around scared, and I don't know why. To die before I live, but I have something left to give my son a better world while Mother Earth is still a girl. Damn, I breathe, damn, I feel, damn, I prejudice. The other is near, open my heart. Voilà, c'était Elliot Murphy qui était le donc deuxième coup de cœur musical de notre invité, monsieur Frédéric Chevreux. Alors, on a évoqué vraiment beaucoup de thèmes au cours de cette émission. Et avant de terminer l'émission, je voudrais justement parler de la fondation Groupama, car Groupama s'inscrit dans une logique de responsabilité sociale et environnementale qui vise à concilier justement la finalité économique, sociale et l'environnement. Alors, monsieur Chevreux, pouvez-vous nous en parler quelques mots de ce rôle de cette fondation Groupama? Alors effectivement, en 2000, à l'occasion du centenaire de Groupama, nous avons choisi d'incarner nos valeurs mutualistes de solidarité et de proximité en créant une fondation dont l'ambition est de vaincre des maladies rares. À cette époque, la lutte contre ces pathologies n'était encore quasiment pas prise en compte et pourtant elle concerne 3 millions de personnes en France. Au-delà d'un enjeu de santé publique, les maladies rares sont aussi une question de société. Ainsi, les actions de la Fondation Groupama se concentrent autour de trois axes stratégiques. 1. Le soutien à la recherche, avec le prix de recherche maladies rares et un soutien à des projets d'envergure menés par des instituts et équipes de recherche. En 2. L'amélioration du quotidien des patients et surtout de leurs familles. C'est souvent l'aidant qu'il faut aider ainsi que l'aider, avec le prix de l'innovation sociale et l'accompagnement de projets initiés par des associations et institutions. Enfin, en 3, la sensibilisation des professionnels de la santé et du grand public. Du coup, depuis 2000, la Fondation Groupama a soutenu près de 200 associations, accompagné plus de 600 projets et plus de 40 chercheurs ou projets de recherche. Enfin, nous avons mis en place des balades solidaires et des événements solidaires qui auront à eux seuls permis de recueillir entièrement et de reverser plus de 2 millions d'euros depuis la création de cette fondation. Et en 20 ans, c'est plus de 9 millions d'euros qui ont été apportés à la lutte contre les maladies rares par Groupama. Cet engagement durable est un pilier de l'action du groupe dans la société civile. Et de plus, nous organisons tous les ans une balade solidaire qui a pour but de collecter des fonds pour soutenir une association. En 2022, par exemple, ce fut l'association Nina un rayon de soleil. Alors tout à fait, et puis je crois que vous investissez également pour apprendre les gestes qui sauvent. Voilà, l'opération dans laquelle s'est lancé Groupama, c'est l'idée de former 1 million de Français sur quelques années aux gestes qui sauvent, parce que effectivement, on peut être démuni lorsqu'on a quelqu'un qui en face de nous fait un malaise, fait un étranglement, a une plaie, et il y a des gestes simples à mettre en place. Donc l'idée, c'est de pouvoir former nos clients, et nos clients peuvent s'inscrire sur groupama.fr pour bénéficier de ces formations. Très bien, donc c'est intéressant de montrer qu'à côté effectivement des activités à but lucratif, marchande, effectivement Groupama s'investit dans des actions pour effectivement aborder la dimension notamment sociale, hein, contre les maladies rares et puis pour les gestes qui sauvent. C'est important pour un assureur, voilà, de payer un sinistre, mais également de faire de la prévention. Voilà. Et ces notions de gestes qui sauvent, bah, si on peut éviter l'accident, si on peut éviter qu'il s'aggrave, c'est tout le rôle de l'assureur. Très bien. Bien voilà, l'émission se termine. Bah, merci Monsieur Chevreux. Merci à vous de m'avoir invité. Accompagné pendant cette émission, en espérant avoir éclairé au mieux les auditeurs sur le milieu de l'assurance, tant au niveau du marché que de la formation. Alors n'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fagette et de nous faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission qui sera rediffusée. Donc si vous allez sur les sites la Radio Fagette. Voilà, merci d'être fidèle à Radio Fagette. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission de l'Instant Écho.